Allez, tout de suite au téléphone, moi je vous propose une belle idée de sortie que vous ne savez pas, avec cette belle voix qu'on entend derrière nous. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, forcément. Eh bien, nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Elsia. Bonjour Elsia. Bonjour Elsia. Bonjour à toute l'équipe, bonjour Emily, Patrick. Alors, on t'a au téléphone parce qu'aujourd'hui, une belle idée de sortie se profile, tu nous en avais parlé. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, alors ben, vous pouvez me rejoindre donc demain soir à la Java Pop. Donc, c'est un bar qui propose des concerts. Et c'est 45 rue de la Charpenterie, donc je serai accompagnée, enfin je serai en trio, je serai avec Franck Salé à la guitare et Thibault Lurton à la basse. Voilà. Wow. Donc on va proposer un répertoire soul, jazzy, un petit peu de bossa, voilà, également. C'est à partir de 20h30, il ne faut pas hésiter à venir, c'est gratuit, donc c'est ouvert à tout public. Sachant qu'en plus le lendemain c'est férié, donc il ne faut pas hésiter à venir. C'est 45 rue de la Charpenterie à Orléans. Donc c'est non loin de la place de Loire, on va dire, vraiment dans le cœur de ce Nouvel Orléans qui pétille. Voilà. Et prochain rendez-vous, ce sera le 15 juin. Au Club 15. C'est ça. Alors là, ce sera au Club 15. Donc pour le coup, comme je suis également artiste plasticienne en tant que Elsa Créa, on installe l'exposition qui va durer donc du 8 juin au 15 juillet donc au Club 15. Et là, on fera donc 6 artistes exposés. Donc il y aura Pascal Notin qui est un sculpteur, Colette Machard-Sauvet qui est une artiste plasticienne, JB Sanon et Olivier Parcollet qui sont des photographes, et Fabrice Paulet qui lui est un artiste plasticien également, lui fait des grands formats avec des collages. Donc là nous on fera le vernissage le 15 juin et à cette occasion je vais chanter en tant qu'Elsia avec deux autres musiciens qui vont m'accompagner. Donc cette fois-ci il y aura Alex Soubry qui est guitariste, un ancien musicien de Martha High, et puis Bruno Ramos, qui lui est bassiste et qui accompagne également Anita Farmin. Voilà. Donc ça, le vernissage sera à 19h30 et le concert à 21h. Et en tout cas, le prochain rendez-vous, c'est tout de suite demain, 20h30, voilà, à la Java Pop, au cœur d'Orléans, près de la place de Loire. C'est ça. Donc à partir de 20h30, je pense que le concert commencera vers 21h, mais bon, généralement, on conseille aux gens d'arriver pour 20h30 pour être sûr d'avoir de la place. Mais pas très grand, donc voilà. Donc il y aura des reprises dans l'ambiance jazz, soul que vous aimez. Voilà, ce ne sont que des reprises. Pour l'instant, je n'ai pas encore... même si j'ai mon projet personnel, pour l'instant, je me produis avec des reprises. Et puis, voilà. Donc, pour nous mettre donner un avant-goût, des reprises de qui, des titres, que pourra-t-on écouter demain soir? Au niveau des reprises, il va y avoir, pour ce qui est du blues, ça va être plutôt Route 66. Après, il va y avoir Message in a Bottle, revisiter un petit peu façon jazzy, des standards comme Body and Soul au niveau du jazz. Mais au niveau style bossa, il va y avoir Bidonville, il va y avoir également, qu'est-ce que je veux dire aussi, Garota d'Impanema. Là, du coup, ce sera en brésilien. Il va y avoir du Carlos Jobim dans l'air, alors. Donc voilà, donc du coup, oui, c'est assez large. Et puis, au niveau des artistes de soul que j'adore, Amy Winehouse avec Back to Black, voilà, c'est vraiment... C'est vraiment, vous passerez une bonne soirée si vous y alliez, donc, au... 45 rue de la Charpenterie, à côté de la place de la Loire, au-dessus des nouveaux cinémas. Nous serons dans les rues, alentour, nous serons attirés forcément par votre douce voix. Oui. Elsia. Donc demain, rendez-vous à la Java Pop pour applaudir Elsia. Ça sera à partir de 20h30. Elsia, merci en tout cas de nous avoir fait un petit coucou aujourd'hui pour nous rappeler ces deux dates à ne pas manquer. Donc la Java Pop demain, 20h30 à Orléans. Et puis ensuite le 15 juin au Club 15, 19h30 pour l'expo, le vernissage, et 20h30 pour le concert. Bien sûr, on retrouve toutes ces infos sur la page Facebook d'Elsia. Eh bien, merci Elsia. Merci à tous pour votre accueil. Et à demain. À demain. À demain. Oui. Au revoir. 96.2 FM, la FM en couleur.